Je vous souhaite un très bel après-midi à l'écoute des programmes de la Première. Tout de suite, c'est Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Il y a plus de 400 ans que les Français sont arrivés au Québec. Les colons ont continué à exploiter une terre qui ne leur appartenait pas. Il y a plus de 200 ans que les Anglais ont défait les Français sur les plaines d'Abraham dans la ville de Québec. Nous n'avons pas vu de victimes. Les enjeux liés aux relations avec les Premières Nations n'intéressent personne au Canada. Cette semaine, politique et grandes étendues. C'est un pays de western un peu. Liberté et reconnaissance. Nous nous comparons toujours avec les États-Unis. Un continent méconnu. Le chef du Parti libéral du Canada, notre premier ministre. La fonction cinématographique est inscrite dans la loi canadienne. Il y a plus de 100 ans que le Canada est devenu un pays qui englobe le Québec. Le Canada ne chie pas sur le Québec. Alors, Obama, c'était super. Maintenant, Trump, c'est différent. Ça va pas être la même chose. Vive le Québec libre! Gilles Cayatte, en réalisateur extrêmement obéissant, a accepté cette chose délicate d'être enchaîné à ce fauteuil. Il n'est pas bougé depuis hier après-midi. On reprend donc cet entretien après lui avoir enlevé les menottes. Cet homme est désormais libre, il peut dire ce qu'il pense et notamment ce qu'il pense de ce cheminement politique. Je le rappelle à ceux qui sont avec nous depuis quelques jours, Gilles Cayatte vient de réaliser un documentaire sur Justin Trudeau, l'autre Amérique, c'est à voir dimanche soir sur RTS2. Dans un moment très particulier, puisque Justin Trudeau venait en quelque sorte d'entamer son mandat de Premier ministre, il n'était pas encore véritablement l'heure des bilans au moment où vous finissiez ce documentaire, en rappelant quand même que ce sont des mandats inspirés du modèle américain, des mandats assez courts de 4 années. Cela étant, l'eau passant très vite sous le pont du politique, les tâches que l'on pourrait ouvrir aujourd'hui s'appellent ni plus ni moins corruption. Je vais en quelques lignes résumer de quoi il est question. Jody Wilson-Raybould a été rétrogradée alors qu'elle était ministre de la Justice en 2015. Elle avait été nommée par Justin Trudeau. A été rétrogradée le 14 janvier dernier lors d'un remaniement ministériel. Qui change de responsabilité sont priés de s'avancer pour prêter le serment d'office. Et a hérité d'un portefeuille. Nous sommes tombés d'accord avec Gilles Cayatte sur le fait qu'il était moins glamour, à savoir le portefeuille des anciens combattants. L'honorable Jody Wilson-Raybould, ministre des anciens combattants et ministre associé de la Défense nationale. Quoique, il y aurait grand à dire sur le Canada et la Première Guerre mondiale. I, Jody Wilson-Raybould, do solemnly. Et elle s'est trouvée, cette Jody Wilson-Raybould, au cœur d'une controverse rapportée par le quotidien Globe and Mail. Alors, je ne vais pas rentrer, moi, dans le détail de la chose, puisque Gilles Cayatte, qui a suivi la vie politique canadienne, est beaucoup plus à jour que moi sur ces questions. Mais quand on dit le mot corruption, cela semble convenir. De quoi est-il question, Gilles Cayatte ? On ne peut pas dire véritablement corruption. Bon, c'est pas la première fois, je vais revenir sur l'affaire qui occupe Justin Trudeau aujourd'hui, mais c'est pas la première fois que le comité d'éthique s'intéresse au cas de Justin, puisqu'il a été épinglé par ce même comité il y a un an pour des voyages qu'il avait fait dans des îles paradisiaques aux frais de l'Agacan, où il y a passé plusieurs vacances, et sa famille y a passé des vacances également, alors qu'il était déjà Premier ministre et que donc sa famille avait voyagé aux frais de la princesse, quoi. Pour faire court. Chose qui est parfaitement interdite au Canada. Alors, le comité d'éthique avait fait un rapport. Le rapport n'est pas contraignant au Canada, mais bon... Ça fait tâche. Ça fait tâche. Donc l'affaire qui nous occupe là est une affaire plus grave. Bon, les voyages, c'est pas terrible, mais c'est pas, c'est pas énorme. Là, c'est plus grave. Il s'agit d'une grosse boîte d'ingénierie du bâtiment qui s'appelle SNC-Lavalin, qui est une entreprise mondiale, qui s'est fait épingler par la justice canadienne il y a plusieurs années pour avoir corrompu des cadres de l'administration libyenne à l'époque de Kadhafi. Des millions de dollars qui auraient été versés en Libye pour pouvoir y construire tout un tas de bâtiments. Donc voilà, la justice canadienne intente un procès. L'origine, ce sont des fuites. Alors, je connais pas exactement l'origine, mais oui, ce sont des lanceurs d'alerte qui disent, bon, bah voilà, SNC-Lavalin était impliqué dans une affaire de corruption. Il n'y a pas que ça. Cette même boîte a donné de l'argent qui n'a pas été déclaré au Parti libéral de Justin Trudeau, 100 000 dollars que le parti est obligé de rembourser. L'accepter d'abord, puis rembourser ensuite. Voilà, c'est une grosse boîte. Hein. C'est des milliers d'employés, plus de 30 000 employés. SNC-Lavalin, c'est une énorme boîte québécoise en l'occurrence. Et donc, qui est impliqué dans cette affaire de corruption libyenne et qui fait du lobbying auprès du gouvernement canadien depuis des années pour qu'on change la loi. Et qu'on permette à ces grosses boîtes impliquées dans des affaires de corruption de pouvoir faire un deal avec la justice, de payer une énorme amende et de s'en sortir blanc-bleu d'une certaine manière. Blanchi à la chaux. Voilà, exactement. Après avoir passé ce deal avec l'État canadien. Pourquoi ? Parce que si vous êtes condamné pour corruption par la justice canadienne, vous n'avez plus accès au marché public pendant 10 ans. Pour une entreprise de BTP, c'est quand même compliqué. Sachant que l'État canadien, comme tout État, est un grand bâtisseur. SNC-Lavalin est la seule dans ce domaine à se battre pour essayer de changer les règles juridiques ou d'autres ? En tout cas, parce que là c'est très bien fait au Canada, SNC-Lavalin n'a jamais caché qu'il lobbyisait pour qu'on mette en place cette mesure qui permette à ces grosses boîtes de pouvoir transiger avec la justice et donc d'éviter les procès. Parce que qui dit procès dans ces genres d'affaires dit condamnation. Enfin, bon voilà, l'instruction étant ce qu'elle est, c'était bien fait. Oui, s'ils voulaient transiger, c'est que quelque part, ils savaient qu'ils étaient quand même mal emmanchés dans cette affaire. Bref, ils ont rencontré le cabinet du Premier ministre et les ministres 80 fois en 2 ans. C'est sur les registres officiels du lobbying du Parlement canadien. Ah, c'est très bien fait, le Canada. Transparence. C'est une forme de transparence. Donc, ils se sont jamais cachés qu'ils lobbyisaient pour qu'une telle mesure soit votée par le Parlement, et elle l'a été. Elle l'a été. Comme quoi, quand on insiste. Elle l'a été dans une loi omnibus. Vous savez ce que c'est que les lois omnibus ? C'est des lois fourre-tout. Ah oui, je vois. On met un peu de tout, un peu d'économie, un peu de social, un peu de ceci, un peu de cela. Chose que Justin Trudeau d'ailleurs avait dénoncée pendant sa campagne en disant plus jamais. Oh non, oh oui. Plus jamais nous ne ferons de loi omnibus et de petits arrangements au Parlement. Eh bien évidemment. Promesse n'engage que ceux qui les écoutent, vous le savez, Jean. Et donc, loi omnibus, petit amendement, glissé comme ça, là, hop, un petit député, là, à 1h du matin, pouf. Et donc, on peut négocier avec l'État canadien, avec la justice canadienne, quand on est dans une affaire de corruption. Donc, SNC-Lavalin a obtenu juridiquement ce qu'il voulait. Donc, il s'est évidemment pressé de dire au cabinet du Premier ministre, bon, bah, maintenant qu'on a cette loi, vous allez la faire fonctionner pour nous. Et c'est là que le scandale commence. Car la seule personne habilitée à prendre la décision de faire jouer cette nouvelle loi... C'est la ministre. C'est la ministre de la Justice qui est indépendante au Canada, sur le modèle américain. La tournée générale prend des décisions en toute indépendance. Mais évidemment, il peut être viré du jour au lendemain par le Premier ministre. Ce qui fait une indépendance relative. Oui, mais en même temps, de fait, ouais. Il est protégé par tout un tas de points, par un arsenal juridique, dans son indépendance. Et donc, effectivement, Jody Rebou, qui est donc la ministre... Jody Wilson Rebou. Voilà, Jody Wilson Rebou, en fait, Jody Wilson, c'est son nom de jeune fille. Donc, ministre de la Justice depuis l'élection de Trudeau, fille d'un chef autochtone, enfin, c'est une grande figure des Premières Nations en Colombie-Britannique. Grosse prise politique. Grosse prise politique, qui était aussi une grande militante écolo. Trudeau a fait campagne avec elle en British Columbia sur l'écologie. Il jouait sur tous les tableaux, là. Bah oui. Ouais. Et donc, il l'a fait ministre de la Justice, puisque c'est quelqu'un qui était avocate et magistrate. Et donc, cette femme, droite, qui a joué le jeu du gouvernement Trudeau depuis 2 ans, 3 ans, qui a vu que le gouvernement Trudeau avait trop promis aux Premières Nations et ne pouvait pas délivrer les fondements de sa politique, mais qui a mangé les couleuvres les unes après les autres. Une égaliste. Une égaliste, qui a été fidèle, qui a été loyale à Justin Trudeau. Quand il s'est agi de prendre la décision concernant SNC-Lavalin et son procès de corruption, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? On n'en sait rien. Mais en tous les cas, elle a refusé que la justice canadienne transige avec la société. Donc procès. Qui dit procès, dit quelque part forcément condamnation, dit donc voilà, pression économique, 30 000 personnes qui ne peuvent plus travailler au Canada, etc. etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'a fait Trudeau, 2 mois plus tard ? Il l'a mise au ministère des Anciens Combattants. Il a pris un Québécois et il l'a mis au ministère de la Justice en se disant « Bon, lui, il sera sans doute plus coulant. » Et c'est d'ailleurs ce qu'a annoncé ce fameux ministre en disant « Oui, on sera sans doute plus coulant. » Il ne l'a pas dit comme ça. Gros scandale au Canada. Bon, voilà, on est en plein dedans, aujourd'hui. Et on est à 8 mois, ou un peu moins, 7 mois des prochaines élections. Donc, Le fait que l'une des conséquences, et non des moindres, soit la menace de licenciement fort importante pour une société canadienne, est-ce que ça place cette ancienne ministre de la Justice dans une position minoritaire vis-à-vis de l'opinion ? C'est une très très grosse boîte, hein, SNC-Lavalin. Donc, bien dirigée, bien conseillée, elle avait tout moyen de préparer cette problématique et de trouver des solutions alternatives. Une grosse boîte, puis en acheter une autre. Bon, enfin voilà, il y a mille façons de faire. Donc, les analystes économiques disaient que c'était pas si grave. Mais le Canadien lambda, est-ce qu'il regarde cette affaire avec attention ? Le Canadien lambda, oui, il verra peut-être que c'est une autochtone qui a pris fait et cause, je dirais, pour la justice et qui s'est dit, bah, c'est une occasion de me venger sur tout ce que Trudeau n'a pas fait pour les autochtones depuis 3 ans. Je pense que le Canadien lambda peut réagir comme ça. Après, grosso modo, c'est surtout sur Justin Trudeau qu'on tire aujourd'hui, à boulet rouge. Sur le fait qu'il ait mal géré cette histoire, qu'il a insulté une figure marquante des Premières Nations, comme d'habitude, d'une certaine manière, parce que les injustices sur les Premières Nations, si vous voulez, si c'était qu'un ministre qu'on vire, c'est pas grand-chose, mais... Il faut d'ailleurs préciser ce qu'on entend par Premières Nations au Canada. Ça représente toutes les premières tribus qui se trouvent... Toutes les populations autochtones, hein, qui étaient donc là, qui vivaient sur le territoire canadien avant l'arrivée des colons. De très nombreuses tribus. Ah oui, c'est des centaines. Des centaines. Mais et puis en plus qu'ils s'entendent pas toutes entre elles, enfin c'est très compliqué. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. So help me God. Je n'avais pas prévu la victoire de Trump, mais j'avais prévenu les Canadiens que c'était possible, que cela pouvait arriver. Et puis, il y a eu le discours d'investiture. Nous étions à l'ambassade du Canada, d'où on a une très belle vue sur la cérémonie. Et le discours était si sombre, si nationaliste, si isolationniste, que toute idée qu'il pourrait gouverner d'une façon traditionnelle a disparu. We must protect our borders from the ravages of other countries. Making our products, stealing our companies, and destroying our jobs. I think the immediate thought was, je me suis dit que c'était un cauchemar et que j'allais me réveiller. I hope I'm asleep. Let me wake up. From this day forward, it's going to be only America first. America first. We have a cette Maison Blanche, ce président et son entourage sont profondément protectionnistes. We can't let Canada or anybody else take advantage and do what they did to our workers and to our farmers. And this is cela cause d'énormes tensions entre le Canada et les États-Unis. Le Canada sait gérer sa relation avec les États-Unis. Nous n'avons pas le choix. Notre survie en dépend. Jusqu'à présent, le Premier ministre a beaucoup de sang-froid. Il ne rentre pas dans le jeu du président Trump. Ce serait facile de le prendre au mot et de montrer les points. Ce ne serait pas dans l'intérêt du Canada. We're here with a man who has become a friend of mine, Prime Minister Justin Trudeau. Il est l'anti-Trump. Et il est vu comme l'anti-Trump à travers le monde. Dans sa manière de se comporter, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, il est l'anti-Trump. Mais il ne l'attaque pas frontalement. L'ambiance est bonne, monsieur Trudeau ? Toujours, toujours bien de se rencontrer avec des alliés et des amis. Le Canada et les États-Unis commercent ensemble depuis toujours. Ça a commencé en 1965 avec l'accord automobile. Puis le Canada et les États-Unis ont conclu un accord de libre-échange, un accord étendu au Mexique avec le NAFTA. Appelé communément le NAFTA ou ALENA, le traité de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique est devenu la pierre angulaire de l'économie canadienne. Tous les produits fabriqués et vendus sur le continent nord-américain sont concernés, et 70% des échanges commerciaux canadiens en dépendent. surpris par l'agressivité américaine, c'est un des défis les plus importants auxquels fait face Justin Trudeau. Ce n'est pas un secret. Nous sommes totalement dépendants du marché américain. Et quoi que ce soit qui affecte les échanges avec les États-Unis a d'énormes répercussions sur le Canada. C'est un désastre si les échanges s'arrêtent. C'est la relation commerciale la plus prospère de l'histoire de l'humanité. Les États-Unis font plus de commerce avec le Canada qu'avec l'ensemble des pays européens. On vient d'entendre un nouvel extrait du documentaire de Gilles Cayatte à voir dimanche soir sur RTS2. Cette semaine est consacrée, vous l'aurez compris, au Canada. Il y a un autre chapitre dans la série des choses qui se passent moyennement bien. C'est les relations entre les deux voisins. Alors, il faut rappeler le contexte de votre documentaire, Gilles Cayatte. Quand on vous fait l'appel pour la proposition d'un documentaire sur Justin Trudeau, un certain Donald est arrivé à la Maison Blanche. Trudeau, c'est un peu anti-Trump, à sa manière. Encore qu'ils ont peut-être un territoire en commun, c'est la grande communication politique, mais je vous laisserai vous exprimer là-dessus. Et vous en profiterez dans votre réponse pour nous donner quelques indications sur cette relation désormais délicate. Alors, je dirais d'une certaine manière, et ça va peut-être vous surprendre, que les points communs entre Donald Trump et Justin Trudeau sont plus nombreux que les choses qui diffèrent entre eux. Alors, pas au niveau du caractère, peut-être, ou au niveau de la, peut-être de la placidité, d'une certaine manière, où Justin est plus calme et moins sanguin, plus urbain. En fait. Urbain. Et sans doute, Trudeau est un féministe convaincu, et ça on peut pas lui enlever, c'est un type pour qui la cause des femmes est importante, et qui l'a prouvé. Bon, c'est pas le cas de Donald Trump. Donald Trump arrive au pouvoir alors que Trudeau était vraiment très très très très copain avec Obama. Photo op, visite à la Maison Blanche, dîner d'État, voilà, c'était l'amour. On parlait de bromance, donc de brother romance entre Trudeau et Obama. Donc même génération, même façon de penser, même philosophie. Et puis un copier-coller. Pas sûr que Trudeau en ait une véritablement, mais un copier-coller sur la campagne, puisque et par-dessus le marché, effectivement, la campagne Trudeau avait acheté tous les outils numériques de la campagne Obama pour les adapter au Canada et s'en servir pour faire élire Trudeau. Et ça a d'ailleurs très très bien marché, ainsi que je le raconte dans le film. Donc voilà, avec Obama, c'était super. Maintenant, avec Trump, c'est différent. Ça va pas être la même chose. Trump, dès son arrivée, dit bon, bah, nous, on va déréguler à tout va, et notamment, on va faire ce fameux pipeline entre le Canada et les États-Unis qui a été bloqué par Obama parce que bloqué par des activistes autochtones américains dans le Dakota du Nord. Donc, c'est le fameux pipeline Keystone. Et que donc les Canadiens ne pouvaient pas faire avancer parce que les Américains le bloquaient. This is with regard to the construction of the Keystone pipeline. Avant même que Donald Trump signe son décret sur le pipeline Keystone XL, la rumeur courait déjà dans les couloirs de l'hôtel où sont réunis les ministres du gouvernement Trudeau. L'ambiance était bonne. It would be very positive for Canada. 4,500 construction jobs. Pour un gouvernement pressé de montrer qu'il peut faire croître l'économie, les 4,500 emplois associés au projet au Canada sont importants. Et avec Keystone XL qui doit relier l'Alberta au Texas, les libéraux peuvent encore une fois faire valoir à l'administration Trump que les économies des deux pays sont intégrées. C'est vraiment un enjeu dans lequel nous pouvons travailler ensemble très efficace avec la nouvelle administration. En signant son décret, Donald Trump remplit une promesse. We're going to renegotiate some of the terms. Il veut renégocier certains termes de l'entente et, fidèle à lui-même, il tient à ce que les tuyaux des pipelines américains soient construits aux États-Unis avec de l'acier américain. The pipe should be made in the United States. Justin Trudeau, qui avait déjà abordé le dossier de Keystone XL avec Donald Trump au téléphone, évite de s'attarder à ces conditions. Il y a encore beaucoup de discussions à avoir entre la compagnie et les États-Unis sur comment et si ça va procéder. Et je vais attendre que ces conversations aient lieu. La compagnie TransCanada vient de signaler qu'elle va présenter une nouvelle demande pour le pipeline. À Calgary, une ville éprouvée par la baisse des prix du pétrole, le maire s'accroche à ce genre de projet. On est allé par le taux d'unemployment le plus bas du pays au plus haut du pays. Mais ce projet reste controversé. Stephen Guilbeault d'Équiterre n'est pas surpris, mais il est déçu. C'est pour permettre l'augmentation de la production des sables bitumineux. On ne peut pas séparer l'économie et l'environnement. Évidemment, ce pétrole-là, c'est l'un des plus polluants sur la planète. Sous l'administration Obama, Justin Trudeau voulait éviter de faire de Keystone XL un point de discorde entre les deux pays. Maintenant que le projet est relancé, Ottawa et l'administration Trump se découvrent une première affinité. Et donc, du coup, Trudeau est content. Parce que lui, le pipeline, il en avait besoin. Exporter la production de pétrole canadienne, c'est primordial pour Canada. Très, très important. Même si, on va le voir après, le pétrole acheté par les Américains est payé 20% en dessous du prix du marché au Canada. C'est important de l'amener aux États-Unis, ce pétrole, parce que c'est un client sûr. Mais en même temps, ça leur apporte un peu moins que si on l'exporte en Asie ou en Europe. D'où les projets grandioses de pipeline de Justin Trudeau. Donc voilà, les pipelines, c'est super. Ça se passe plutôt bien. Par contre, ce qui se passe pas bien, c'est le traité économique entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui s'appelle le NAFTA. ALENA en français. Alors là, ça va pas du tout. Selon Donald. Selon Donald, et ça va pas du tout si on le remet en question selon les Canadiens, parce que l'économie canadienne et l'économie mexicaine, et aussi l'économie américaine, est littéralement posée sur ce traité, qui a été signé il y a plus d'une vingtaine d'années par Bill Clinton et Jean Chrétien. Le Mexicain dont on se souvient jamais, malheureusement. Et donc ça, ils veulent déchirer, il en a marre, il pense que... Sur un argument qui consiste à dire ils nous escroquent, le Canada nous escroque, escroque les États-Unis. Alors sur qu'est-ce un argument que c'est qui consiste à dire que les usines sont parties au Canada et au Mexique, parce que le coût du travail est moins cher, ce qui n'est pas le cas au Canada d'ailleurs. Mais grosso modo, on a perdu sur ce traité de manière phénoménale. Ce que Donald Trump ne dit jamais, c'est qu'effectivement, beaucoup d'industries sont parties, notamment évidemment au Mexique, mais par contre... que les États-Unis, grâce au traité, sont les champions américains du service. Et qu'en fait, le traité est avantageux pour les États-Unis. Ils gagnent plus d'argent qu'ils n'en perdent. Alors que sur l'industrie, ils en perdent plus qu'ils n'en gagnent. Mais sur l'ensemble de tout ce qu'on peut vendre et acheter sur le continent nord-américain, les Américains sont gagnants. Ils perdent la main-d'œuvre, mais ils récupèrent un étage au-dessus. Les services. Internet, les GAFA. Énorme. Donc ils renégocient le traité, et ça a été une année véritablement de souffrance pour les Canadiens de cette renégociation de traité, et si on veut en avoir un tout petit aperçu en termes d'angoisse que ça pouvait procurer, bah regardez ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui avec le Brexit, et bah vous avez à peu près le sentiment des Canadiens à l'époque quand ils négociaient avec les Américains le nouveau traité qui a changé de nom maintenant, il s'appelle plus le NAFTA, et qui a fini par être signé, donc au-delà malheureusement de la fabrication de mon film. Donc mon film s'arrête au moment de la négociation, le traité a fini par être signé. Les Canadiens sont pas hyper contents de cette signature. Ils ont réussi à sauver les meubles, mais ils ont ouvert quelque chose qu'ils ne voulaient pas ouvrir et qu'ils voulaient garder fermé. Parce que ce sont quand même des pays avec des logiques protectionnistes de longue date, malgré tout. Hein, c'était l'agriculture. Et ils perdent pas mal sur l'agriculture vis-à-vis des Américains. Depuis leur résidence cossue sur les pentes du Mont-Royal, de riches familles exercent une grande influence sur la politique canadienne. On y trouve deux des plus importants collecteurs de fonds du Parti libéral du Canada, l'ex-sénateur Leo Colbert et le milliardaire Stephen Bronfman. Stephen Bronfman a été recruté par son ami Justin Trudeau pour diriger sa campagne au leadership. Bronfman a joué un rôle clé dans la victoire de Justin Trudeau. Vous savez, on ne gagne pas une élection sans fonds. Bronfman est ensuite devenu le directeur du financement du Parti libéral. Est-ce qu'on est tous fiers? Les libéraux ont promis d'appuyer la classe moyenne et de s'attaquer aux paradis fiscaux. Afin de combattre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal international. À la lumière des faits, ça serait peut-être approprié à ce stade-ci que le Parti libéral du Canada se distancie de M. Bronfman. Dernier point, Gilles Kayat, là non plus, qui ne va pas véritablement dans le bon sens. Un an après le scandale des Panama Papers, et le moment où Justin Trudeau avait fait une sorte d'appel international contre les fraudeurs fiscaux, Vlatipok, un certain Stephen Bronfman, personnage central du Parti libéral, milliardaire et ami d'enfance du Premier ministre, serait soupçonné d'avoir orchestré quelques levées de fonds pour le parti pendant la campagne de Justin Trudeau, et que cette levée de fonds est jugée avec quelques anomalies, disons, pour parler avec de la litote. En savez-vous un peu plus là-dessus ? Oui et non. Enfin, alors, Stephen Bronfman est officiellement le leveur de fonds du Parti libéral. C'est eux. D'accord. Escalité. Il se trouve que par ailleurs, il est milliardaire. La partie qui concerne Stéphane Bronfman dans les Panama Papers n'a rien à voir avec le Parti libéral. C'est un milliardaire qui paye pas tous ses impôts au Canada. Bon, dites-moi un truc que je sais pas, quoi. Les levées de fonds qu'il a fait pour le Parti libéral n'ont jamais été soupçonnées ni de près ni de loin d'être malhonnêtes ou de blanchiment, de quoi que ce soit. D'autant plus que les lois canadiennes sur les élections font que, comme en France, il y a une somme maximale que vous pouvez dépenser, qui est pas énorme. De mémoire, mais je vais peut-être dire une bêtise, donc je crois que c'est aux alentours de 20 millions de dollars, et à comparer aux 20 millions d'euros français, hein, c'est pas non plus des sommes finalement gigantesques, pas très difficiles à obtenir. Parce qu'elles sont pas très... Alors effectivement, c'est pas l'État qui les donne, c'est des donations, effectivement. Ça, c'est le système, je dirais, américain ou même anglais. Mais par contre, la somme à atteindre est... Enfin, je dirais, Bronfman aurait pu les donner d'un coup. Et c'est pas ce qui s'est passé. En quoi Justin Trudeau peut être inquiété de cette... Non, là-dessus, je pensais se passer ses relations avec Stéphane Bronfman, qui reste une des plus grandes familles capitalistes canadiennes, hein, puisque c'est la maison Seagram, hein, c'est des alcools. Je pense qu'ils s'appellent de temps en temps, mais ils n'en font pas la publicité, quoi. Après des mois de lune de miel avec l'opinion canadienne, les nuages s'amoncellent. Problème de confiance avec les Premières Nations. Problème d'éthique et d'amitié encombrante avec des milliardaires. Un agenda environnemental malmené, une communication mal maîtrisée. L'espoir soulevé par son élection tarde à se concrétiser. Les Canadiens ont admiré la jeunesse, la modernité, l'ambition. Ils se sont même découvert une dynastie. Justin Trudeau saura-t-il dépasser son ambition personnelle et marquer l'histoire du Canada, comme son père l'avait fait avant lui? Vous nous redonnez le nom de votre documentaire, Gilles Kayat? Alors ça s'appelle Justin Trudeau, l'autre Amérique. Et c'est à voir dimanche soir sur RTS2. Merci à vous d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Et puis à la prochaine, tiens, en deux mots, la prochaine, on l'a déjà? Alors les prochains, on mèneront sur une route américaine, la route des tweets et des retweets d'une théorie du complot. Donc, un peu de fake news, mais surtout un film très humain, où rencontrer en fait les gens qui sont... ces passeurs de bâtons numériques aujourd'hui, de théories dans lesquelles les gens s'enferment, ces personnes-là s'enferment, et qui constituent pour moi des espèces de nouveaux sous-continents ou continents dans lesquels, je dirais, la réalité objective que bon, vous et moi essayons de faire profession n'a plus cours. Donc ça, c'est un premier projet. L'autre projet m'emmènera assez loin, du côté du Japon. Bonne route, bon voyage et à bientôt. Cet épisode était mis en onde par Jérôme Nussbaum. Une émission proposée par Jean Leclerc